À Sainte-Agathe, c'est la vie monotone des jours d'hiver qui continue. Depuis le retour de monde, nous n'avons plus d'amis. Un soir, une bagarre nous oppose à nos camarades de classe et à deux bohémiens installés sur la place du village. L'un des bohémiens, qui a le visage en partie caché par un bandeau, vole à Mône le plan sur lequel il essayait de retracer le chemin du domaine inconnu. Le lendemain, le bohémien est à l'école. Le soir, après 4 heures, il doit balayer la classe avec Mône.